Jésus n'était pas noir, on me le répétait qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race, mais moi tout ce que je sais, il mourit pour moi. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir, on me le répétait qu'il était tout blanc. Jésus était juif. Il n'était pas de ma race, mais moi tout ce que je sais, il mourit pour moi. Je ne l'ai point vu, il vit bientôt des mille ans. Et l'on me demande pourquoi je l'adore. Et je lui réponds, je l'ai connu par la foi, je le sens de tout mon cœur. Ma vie, ainsi moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève, il me tient la main, je l'aime bien, il me tient la main, je l'aime bien, il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie, ainsi moi je vis. C'est lui qui le veut, même si je tombe, c'est Jésus qui me relève, il me tient la main, je l'aime bien, il me tient la main, je l'aime bien. J'étais dans les songes et j'ai vu passer Bouddha, après Mahomet, ses filles Confucius. J'ai vu le prophète qui ne pouvait rien pour moi, mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. J'étais dans les songes et j'ai vu passer Bouddha, après Mahomet, c'était les pasteurs et l'évangéliste qui ne pouvait rien pour moi, mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom du Seigneur, Jésus de la croix. Il est au-dessus, il ne peut le dépasser, il me tient la main, je l'aime bien, il me tient la main, je l'aime bien. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien. J'étais dans les songes et j'ai vu passer Bouddha, après Mahomet, ses filles Confucius. J'ai vu le prophète qui ne pouvait rien pour moi, mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. Jésus n'était pas juif, il n'avait même pas un sang juif, il avait le sang de Dieu Tout-Puissant. Jésus était Dieu, Dieu n'a même pas une seule race, mais moi tout ce que je sais avec lui. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom du Seigneur, Jésus de la croix. Il est au-dessus, il ne peut le dépasser, il me tient la main, je l'aime bien, il me tient la main, je l'aime bien. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom du Seigneur, Jésus de la croix, il est juif. Il n'avait même pas un sang juif. Il avait le sang des dieux tout-puissants. Jésus était Dieu. Dieu n'a même pas une seule race. Mais moi, tout ce que je sais, je serai avec lui. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom du Seigneur. Jésus de la croix, il est au-dessus. Il n'a pas le dépassé, il me tient la main. Je l'aime bien, il me tient la main. Je l'aime bien, Jésus, il me tient la main. Je l'aime bien, Yahweh, il me tient la main. Je l'aime bien, Yahshua, il me tient la main. Tiens la main, je l'aime bien, Yahweh, il me tient la main.